Depuis son premier contact avec l'homme, Dieu lui révèle sans cesse sa propre essence, ce qu'il a, ce qu'il est, constamment. Que les peuples à travers les âges puissent voir ou comprendre. Dieu parle et œuvre pour montrer son tempérament, son essence, jamais dissimulé, jamais caché, toujours révélé, son réserve, son essence, son tempérament, son être et ses possessions, sont révélés quand il œuvre et s'engage avec les hommes. Dieu espère que l'homme comprenne, connaisse son essence, son tempérament. Il ne veut pas qu'on le prenne pour un secret d'éternité. Il ne veut pas être vu comme une énigme insolue, jamais dissimulé, jamais caché, toujours révélé, son réserve, son essence, son tempérament, son être et ses possessions, sont révélés quand il œuvre et s'engage avec les hommes. Seuls quand les hommes auront connu Dieu pourront-ils avancer, dignes d'être guidés par Dieu. Ils vivront sous son règne, dans sa lumière et ses bénédictions. Jamais dissimulé, jamais caché, toujours révélé, son réserve, son essence, son tempérament, son être et ses possessions, sont révélés quand il œuvre et s'engage avec les hommes. Jamais dissimulé, jamais caché, sans révéler.